Chapitre 23e, Oblast de Kemerovo, entrée en guerre, mi-septembre. 10 septembre, Moscou, siège de la Douma. Comme prévu, le rapport sur la vague d'attentats qui avait endeuillé la Russie fut rendu public par le président de la commission d'enquête parlementaire. Le chambellan Jafar Akhamov fut auditionné sur l'action des Veuves Noires. Le député sortant de Birsk, qui venait de terminer son mandat de 4 ans à la tête du Bashkortostan, la République de Bachkirie, exposa ses conclusions officielles. Les preuves accablaient le clan des Veuves Noires, lié à l'Islami Harakati Mukawama, le mouvement de résistance islamique du Tokaristan. Au terme de la délibération, la Douma exigea, devant les faits avérés, la convocation immédiate du général Youssouf Ramazanovitch Imadedinov, le président tokaristanais en exercice. Elle tint à l'arrestation d'une dizaine de personnes de l'entourage direct du Takchir, le responsable de la milice, le colonel Nourlan Hamidovitch Charizov, l'instigatrice présumée de la vague d'explosion kamikaze, Fatia Amadovna Yazorova. La Douma voulait une comparution du président Imadedinov pour que celui-ci fournisse des explications à l'ensemble des députés de l'Assemblée russe. Au journal télévisé de 20h, Russia 1, la plus grande chaîne du pays, diffusait l'information dans toute la Russie. 12 septembre, offensive des islamistes contre Kemerovo. Au lever du soleil, une armée de 30 000 hommes quitta le Tokaristan pour envahir l'oblast de Kemerovo. En l'espace de quelques heures, des rapports affluèrent de la région envahie. Pratiquement toutes les villes principales ainsi que la base russe d'Oliarsk avaient été attaquées par les djihadistes. Le général Negoborov, qui dirigeait le district militaire dont dépendait Kemerovo, déclara au vice-premier ministre Koslov « J'ai fait épingler sur une carte interactive tous les sites attaqués, suite au rapport de nos avions de surveillance. On allume une diode à chaque nouveau point de friction. La carte de Kemerovo ressemble aux illuminations du grand arbre de Noël de la Place Rouge. » Alors que les mois précédents, les moudjahidines semblaient se déplacer avec lenteur et à grand-peine, ce matin-là, c'était la déferlante. Leurs manœuvres étaient d'une très grande efficacité et leur progression d'une rapidité inconcevable. À Kemerovo, la capitale provinciale, des quartiers avaient été envahis par les combattants islamistes. Certains percèrent les murs de la succursale de la Banque de Russie pour vider les coffres. Au prix de combats brefs et sanglants, les moudjahidines prirent le contrôle du palais du gouverneur, du quartier général de la milice et de la station de radio locale. Très vite, la ville déposa les armes. La bannière verte, frappée d'une shahada, profession de foi islamique, dorée surmontant de cimetières d'or entrecroisés, fut hissée aux mains du palais du gouverneur. Comme Kemerovo, beaucoup d'autres villes tombèrent sans beaucoup lutter, les combattants islamistes s'étonnant eux-mêmes du peu de résistance qui leur était opposée. Le seul point chaud fut, comme attendu, la base militaire d'Oliarsk. Les moudjahidines rencontrèrent une farouche opposition. Malheureusement pour les assiégés, leurs hélicoptères de combat furent abattus par les missiles solaires iraniens Misag 1 tirés par la division bosniaque en char qui encerclait la base. Sitôt le bouclier aérien détruit, une pluie de roquettes Qassam s'abattit sur le camp. Piégés, les soldats russes durent opérer une sortie. Le colonel Cyril Trofimov, ennemi juré d'Imadedinov, conscient que ses ennemis ne feraient pas de quartier, donna l'ordre de riposter avec tout le matériel en état de marche et de tirer jusqu'à la dernière cartouche. Le combat fut héroïque. Le valeureux colonel mourut à l'heure où, habituellement, il fumait sa première cigarette de la journée. En un éclair, la base militaire d'Oliarsk avait été rayée de la carte. La province était passée aux mains des combattants islamistes. La population errait sur les routes. Dans cet exode, certains fuyaient vers la frontière, d'autres en direction du nord. C'est alors que le général Imadedinov fit acheminer dans l'oblast des missiles M-302 de fabrication syrienne sur de gros camions Mercedes-Benz lanceurs d'engins. Deux de ces missiles tactiques d'une portée de 160 km furent tirés sur le polygone de Tchoumisk dans le kraï de l'Altaï. Ce polygone d'entraînement avait été installé par l'armée de l'air russe en prévision des grandes manœuvres programmées du 17 au 24 septembre. Le message qu'envoyait le président tokaristanais Youssouf Imadedinov au président de la Fédération de Russie, Vladimir Popov, se voulait sans équivoque. « Nous pouvons frapper vos villes et votre population si vous tentez d'utiliser la force contre nous. » Nuit du 12 au 13 septembre, bureau du président Popov. Le téléphone rouge du président Popov sonna. « Ici le général Imadelinov. Je sais que vous pouvez répliquer et nous faire payer amèrement notre impudence. Je sais aussi que vous ne gagnerez pas. Nous ne sommes pas les Tchétchènes déchirés en factions, mais un peuple de guerriers unis. Comme vous avez pu le constater aujourd'hui, nous avons des armes performantes et les compétences nécessaires pour nous en servir. » Popov s'attendait à cet appel. « Je ne discute pas avec les terroristes, » dit-il sur un ton ferme. Imadelinov accueillit cette réponse comme une provocation. « Je ne suis pas un terroriste, mais un militaire qui livre une guerre d'indépendance contre une puissance coloniale. » Popov en vint à la menace. « Je pense que vous regretterez bientôt de ne pas être qu'un vulgaire terroriste. » Imadelinov accusa le coup. « Pardon ?» Popov vit que, face à la fermeté, son interlocuteur avait flanché. Il n'avait pas raccroché. Cette attitude associée au fait qu'il était celui qui avait appelé montrait à Popov qu'Imadelinov était en demande. Il pouvait donc se permettre de dicter ses volontés. « Envoyez-moi une requête officielle de cessez-le-feu et de pourparlers demain 13 septembre avant 6 heures du matin. Je vous laisse une dizaine de jours pour négocier avec l'émissaire que je vous désignerai. » Imadelinov ne raccrochait toujours pas. Popov voulait savoir jusqu'où il était possible d'aller avec ce bravage au bout du fil. Il en remit une couche. « Je vous donne plus d'une semaine pour que vous prouviez que vous êtes un chef d'État. Si le 23 septembre plus tard, aucun armistice n'est conclu, vous redeviendrez un terroriste et nous viendrons vous liquider, vous et vos hommes, où que vous soyez, et jusqu'au dernier. » Popov raccrocha. C'était lui qui avait mis fin à l'appel décidé par Imadelinov. Cette victoire oratoire le conforta dans l'idée que cette bataille perdue était un revers et non une défaite. Il fallait maintenir le cap tracé par les Volkodlak. Si leur plan échouait, l'opinion se retournerait contre lui. Le peuple tomberait d'accord avec les généraux ou les députés partisans du laisser-faire. Popov savait cela. Il en mesurait les risques, mais restait imperméable aux velléités manifestées par les uns et aux angoisses exprimées par les autres. La sérénité tranquille qui le caractérisait ne le quitta pas dans ce moment critique. Il avait foi en son destin et en celui de la grande nation russe. Constatant que le plan des Volkodlak suivait son cours, ayant la certitude que toutes éventualités avaient été envisagées, voyant qu'il n'avait rien à redire, il n'était pas question pour lui de changer de stratégie. Il ne s'inquiétait même pas d'une situation qui aurait semblé désespérée à n'importe qui d'autre. Popov demeurait d'une fidélité sans faille au projet qui avait vaincu les ultimes réticences de sa logique. Cette confiance en soi n'avait rien à voir avec une quelconque vanité. Elle était le fruit de sa raison conjuguée à son expérience. Ceux qui viendraient le presser d'agir repartiraient convaincus de le laisser décider. C'était cela le charisme du président Popov. Ne jamais douter, après avoir éliminé méthodiquement tous les possibles, telle était la source du magnétisme de cet homme. Avant de partir se recoucher, Popov appela son vice-premier ministre pour parler de la deuxième phase du plan destiné à éradiquer la nébuleuse islamique du pays. Il songeait à une mission pour Jafar Akhamov. Il s'excusa de déranger Koslov en plein milieu de la nuit. Il désirait son avis avant de contacter le chambellan des Volkodlak, qui s'était débarrassé du leader islamiste Magomed Hadjipov et d'Omar Tarkhanov, le porte-parole du califat islamique pour la Russie. Après plusieurs « allô, allô », Imadelinov dut convenir que Popov avait interrompu la communication. Il se consola de ce manque de savoir-vivre en considérant qu'il avait atteint son objectif en une seule journée. Il n'avait perdu que 128 hommes. L'oblast de Kemerovo était presque entièrement sous son contrôle. Popov lui donnait 10 jours pour passer aux yeux du monde musulman comme un très grand héros. L'ONU et les Américains, toujours prompts à se réjouir des malheurs de Moscou, avaient des as dans leurs manches pour le moment où il s'agirait de passer à la phase diplomatique du conflit. Le Tashkir, le Sir, Imadelinov n'ignoraient pas l'importance de ce jeu de dupes. C'est pourquoi les affaires ne se passaient pas tout à fait conformément à ses plans. Après tout, en vrai tocarien, il était l'héritier d'Alexandre le Grand et de Gengis Khan. Pourquoi les États-Unis et les instances internationales lui préféraient-ils Popov, ce fils d'un obscur soudeur de Leningrad? En attendant de se rendre au matin en conférence de presse pour couper court à toutes les rumeurs et porter la parole officielle sur l'invasion de l'oblast de Kemerovo, le Void, le grand guide, sortit son chapelet et se mit à prier « Allahu Akbar » avant de s'endormir.